Tu dis que tu n'as pas besoin d'homme pour avancer. Mais si c'est pas lui, dis-moi qui va te fiancer. Une perle a besoin de quelqu'un pour la contempler. Avoir un homme ne t'empêche pas de te débrouiller. Ah, dis-moi ce qu'on t'a fait pour toi, pourquoi demander? Avancer toute seule c'est bien, mais à deux on va plus loin. Pense à toi, pense à moi. Tu sais que l'homme est rempli de défauts, mais t'as besoin de ton alter ego. Pense à toi, pense à moi. Tu sais que l'homme est rempli de défauts, mais t'as besoin de ton alter ego. Le rêve d'un homme c'est d'avoir une femme indépendante. Qui assumera on sait jamais. Mais l'indépendant qui crie ne pas avoir besoin d'homme vivra toute seule à jamais. Souvent la femme devient comme ça à cause de souffrance. Et donc souvent la femme proclame indépendance à outrance. Dis-moi ce qu'on t'a fait pour toi, pourquoi demander? Avancer toute seule c'est bien, mais à deux on va plus loin. Pense à toi, pense à moi. Tu sais que l'homme est rempli de défauts, mais t'as besoin de ton alter ego. Pense à toi, pense à moi. Tu sais que l'homme est rempli de défauts, mais t'as besoin de ton alter ego. Tu as tout pour toi, rester un peu seul pourra pas. Mais si tu ne t'ouvres pas, tu ne sauras jamais ce qui est bien pour toi. Tu as tout pour toi, rester un peu seul, pourquoi pas. Mais si tu ne t'ouvres pas, tu ne sauras jamais ce qui est bien pour pense toi. À toi, pense à moi. Tu sais que l'homme est rempli de défauts, mais t'as besoin de ton alter ego.